Et est-ce que elle vous a raconté des choses sur le, est-ce qu'on disait des choses sur le temps des seigneurs autrefois? Ah oui, le temps des seigneurs, la maison qui est là, face à la fontaine, là où tourne la route, que c'est une dame, je ne sais pas, vous connaissez son nom peut-être, en fait. Non, non, non. Là où tournant de la route, il y avait, c'était la maison du seigneur, c'était un petit seigneur, enfin, je ne sais pas comment ça marchait, le temps des seigneurs. Et il y a en bas, il y a encore un vieux four, qui date, que vous saltez, vous le fera voir, enfin, qui le connaît, ouais. La maison Servière, qu'on appelait, un four, et qu'il fallait qu'ils allaient cuire tout leur pain là-bas, à ce four. Et par dit, le seigneur prenait sa part comme c'était la coutume à ce moment-là. C'était la maison du Seigneur, là. C'était la maison du Seigneur. Et il y a une cave là-bas encore qu'elle doit dater, très obscure, enfin dans le fond là-bas, comme des petits lieux qu'on disait que c'était la prison. Ah oui. Et on racontait de gens qui y avaient été qui avaient. Vous savez combien ça passait de bouche en oreille pour arriver là. Oui. On racontait pas d'histoire de souterrain non plus ou de. On racontait pas d'histoire de souterrain qu'il y aurait eu des souterrains ou des. Non. Non, pas de. Et par rapport à la. À la route royale, là-haut, est-ce qu'on disait des choses sur de la route royale? La route royale, non, là, je ne peux pas vous raconter. Non. Les écrits, là, vous en donnent plus que ce que je ne peux pas vous raconter. Ouais. Parce qu'elle avait été faite du temps des seigneurs aussi, de la fin de... Je crois que oui. Ou des camisards. Oui. Et est-ce qu'on racontait... vous avez d'autres histoires comme ça qui vous reviennent maintenant? Non, c'est des histoires anciennes. Est-ce qu'on racontait sur les Sarrasins? Non. Jamais. Parce que vous savez qu'à Moissac, là, on dit qu'ils s'étaient établis, soi-disant, à Fès. Non, là, je ne sais pas. Non. Et votre mère ne vous a pas parlé non plus des Michelet? Non plus. On ne disait pas sur les Michelet. Et...